Celui qui prendra son livre par la main gauche ou derrière son dos, celui-là, il sera perdu comme si c'était dans le Coran.